Leçon 4, pages 100 et 101. Activité 2, 3 et 4, piste 91. Comment il s'appelle, ce petit chat? Son nom est Maya. Mais Maya n'est pas un chat, c'est une chatte. Oh, pardon. Elle est mignonne, Maya. Merci Loïc. Et toi? Tu as aussi un animal de compagnie? Un chien? Non, je n'aime pas les chiens. J'ai deux poissons rouges.